tant que je pourrais encore t'écrire des mots d'amour et te faire sourire. Il restera encore une place pour moi. Aussi longtemps que je me rapprocherai, je t'écouterai, ben je te suivrai. Il faudrait pas trop s'en faire à croire. Te souviens-tu exactement comment ça s'est passé? Il restera encore une place pour moi. Il restera encore une place pour moi. Ton visage change, ma vie me prend ton attention, c'est normal, c'est ce qu'il faut pour se plaire. C'est pas toujours facile, c'est même parfois trop difficile, c'est normal quand je perds toute ton attention. Quand je perds toute ton attention, il restera encore une place pour moi. Il restera encore une place pour moi. Te souviens-tu exactement comment ça s'est passé le premier jour de notre rencontre? Les moments d'envie, les yeux sans chagrin, que tes paroles aussi claires que l'eau, loin de nous l'obscurité. Il restera encore une place pour moi. Il restera encore une place pour moi. Des mots d'amour et te faire sourire. Il restera encore une place pour moi. Aussi longtemps que je me rapprocherai, je t'écouterai, ben je te suivrai. Il faudrait pas trop s'en faire à croire.